la clé, mais j'étais sur la terrasse. Je suis redescendu. Happy birthday to me. 5. Qui c'est qui a 53? 40. Ah oui. Je peux la muter là, c'est en attendant. C'est guitare rig, mais qui est toujours version démo, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à. J'arrive. Attends, on m'entend là ? Allô, allô. Thank you. Noël. Pauvre bassiste, à chaque fois qu'il met un effet, il se passe. Thank you. C'est qui? C'est RP qui joue là. Là, je suis en son direct de mon ampli. Il n'y a pas d'effet, rien du tout. Là. Le gros Fender, le vieux Fender. Thank you. super batteur. Symbole.